Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à la commission Debout éducation populaire. Comme Sylvain vous a dit, on est encore présent malgré le froid et tout ça. On est là jusqu'à 18h aujourd'hui, c'est ça? 18h. Je vous rappelle un peu le format. En fait, on a des intervenants qui nous proposent un sujet, qui viennent parler pendant 20 minutes et on débat ensuite pendant 40 minutes, jusqu'à la fin de l'heure, sur le sujet. Vous pouvez poser des questions et tout ça. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à notre premier intervenant. Je vais lui laisser un peu de temps encore. Sinon, voilà, on vous rappelle un peu la charte. Donc, tout le monde peut venir assister au débat et y prendre de part. Les intervenants s'expriment qu'en vertu de leur prénom et pas forcément d'un statut. Leur prénom, même. Même. Leur prénom, oui, c'est marqué ici. Voilà. Voilà, c'est quand même assez honteux, je suis d'accord. Voilà, donc Alexis qui va nous parler de l'utilité ou plutôt l'inutilité du pétrole. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Approchez, approchez s'il vous plaît. Ça va pas être facile. Bonjour. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, ça va pas être facile, en effet. Attends, attends. Attends, ça se casse la gueule. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. What up? Dire aux gens. Donc c'est éducation, Debout éducation populaire, n'hésitez pas à venir. Voilà. Tiens, je te laisse présenter ton sujet. Merci. Donc voilà, je m'appelle Alexis et j'ai constaté un petit peu la situation actuelle en France. Et en France, on a des attentats. Donc je me suis posé la question, pourquoi il y a des attentats? Il y a des attentats parce qu'il y a des fanatiques. Pourquoi il y a des fanatiques? Il y a des fanatiques parce qu'il y a du désespoir. Du désespoir qui est engendré par la guerre. Maintenant, il convient de... Enfin, et du coup, il y a la guerre, il y a du désespoir, il y a des fanatiques, il y a des attentats. Et quand il y a des attentats, notre gouvernement dit, oh, c'est pas bien, on va montrer nos couilles, on va aller intensifier les bombardements. Et du coup, on rentre dans la spirale de la spirale de la haine. Et ça tourne comme ça et ça s'amplifie. Et moi, si je vous disais qu'on peut arrêter la spirale de la haine, en se posant la question, pourquoi il y a la guerre à la base? Faites l'amour, pas la guerre, exactement. Pourquoi il y a la guerre à la base? Est-ce que tu sais pourquoi il y a la guerre à la base? L'argent, ça rentre en compte. Mais la ressource principale, le pétrole, exactement. Et le message que je suis venu vous délivrer aujourd'hui, c'est, on n'a pas besoin de pétrole. Alors quand je vous dis on n'a pas besoin de pétrole, c'est pas dans l'esprit il faut revenir en arrière, on va revenir aux chevaux, il faut abandonner le confort moderne. Quand je vous dis on a besoin de pétrole, c'est parce qu'on peut créer un carburant qui est plus puissant et plus propre, qui s'appelle le dihydrogène. Alors le dihydrogène, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a les piles à photovoltaïques qui permettent de transformer l'eau en dihydrogène. Et il y a une deuxième méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans les fusées, oui, le dihydrogène est le carburant qui permet de lancer les fusées dans l'espace. Ça s'appelle l'ergol. Donc là, la deuxième méthode pour produire du dihydrogène. Donc le dihydrogène, c'est ça, c'est H2. Le dihydrogène, brûler un litre de dihydrogène donne l'équivalent en énergie de 3 litres d'essence. Donc au niveau du gain énergétique, c'est énorme. Et quand on brûle du dihydrogène, on obtient de l'eau. Selon cette réaction, qui est très favorable et très exothermique. Très favorable, ça veut dire que ça va se faire automatiquement. Et exothermique, ça veut dire que ça dégage de la chaleur. Ça dégage énormément de chaleur. Donc en gros, quand le dihydrogène rentre en contact avec l'air, tout de suite ça explose. Ça fait une colonne de flammes qui est très destructrice. Et le moyen pour utiliser le dihydrogène sans prendre de risque, ça consiste à le consommer au fur et à mesure, à pas le transporter, à le produire et le consommer dès qu'il est produit. Et grâce à cette réaction, on peut faire ça. Donc cette réaction qui permet de produire du dihydrogène, on l'a fait avec un liquide qui s'appelle l'acide formique. L'acide formique, c'est un liquide, c'est un acide qui est produit par une espèce d'insecte que vous connaissez tous, les fourmis, exactement. On la trouve aussi sur les feuilles des orties, les poils urticants des orties, c'est de l'acide formique qui nous brûle. Donc il faut récupérer cet acide et le mettre en présence d'un métal qu'on appelle le ruthénium. Le ruthénium est un métal de la même colonne, de la même famille chimique que le fer. Il possède 44 électrons. Il coûte 1,40$ le gramme et on a un tonnage de 12 tonnes par an. Il tient son nom de l'ancienne Russie, Rutetia. L'avantage, c'est que dans cette réaction, le ruthénium, il est catalyseur. C'est-à-dire qu'il n'est pas consommé par la réaction. Avec un seul petit bout de ruthénium, ça suffit à faire tourner la réaction et à faire des litres et des litres de dihydrogène. Il faut ensuite chauffer à 80 degrés Celsius. Et on obtient la formation de deux gaz, le dihydrogène dont je vous ai parlé qui déchire, et le dioxyde de carbone. Comme je vous l'ai dit, brûler un litre de dihydrogène donne l'équivalent en énergie de 3 litres d'essence. Donc pour obtenir la même énergie que ce qu'on utilise en brûlant un litre de dihydrogène, il faudrait brûler 3 litres d'essence. Du coup, on produirait 3 fois plus de CO2. Donc en fait, ça revient à dire qu'en utilisant cette réaction, on produirait 3 fois moins de CO2 au final. Donc y a un point que j'ai déjà mentionné mais que je souhaite souligner, c'est dès que le dihydrogène entre en contact avec l'air, il explose. Donc c'est très dangereux, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Il faut demander à votre gouvernement de le faire. La farce. mais du coup, ça m'amène à la deuxième partie de mon intervention. J'ai regardé les médias, j'ai regardé les infos, j'ai entendu parler de Trump, j'ai entendu parler de Nabila et toutes ces conneries, mais personne ne parle de la transition énergétique. Absolument personne ne va vous parler du dihydrogène. Et la question qui se pose, la véritable question, c'est pourquoi est-ce que personne n'en parle? Puisque si un pecno du 95 comme moi a pu trouver cette réaction, n'importe qui peut, les gens au pouvoir, à plus forte raison, sont au courant que ces technologies existent. Alors les trois seules raisons que j'ai trouvées qui expliqueraient cette absence du dihydrogène dans le débat public et politique, c'est soit la bêtise, ce qui reviendrait à dire que l'ensemble de notre classe politique ne s'intéresse pas aux avancées technologiques, et personnellement moi ça me fait peur, soit on n'entend pas parler du dihydrogène à cause de la lâcheté, C'est-à-dire que quand les politiciens et leurs équipes de communication réfléchissent à quel sujet parler et lesquels éviter, ils voient le dihydrogène, ils se disent « Oula, ça, ça va péter le pétrodollar, ça... » Merci. Mais il n'y aura pas plus de pétrole, en fait, c'est ça le problème. On y reviendra si tu veux. Mais il y a le permafrost qui a brûlé, qui a fondu, et ils ont trouvé des tonnes et des tonnes de pétrole. Les Russes, là, ils sont refaits, les Russes. Enfin bref, Sol a lâcheté. C'est du coup, quand il se pose la question, est-ce qu'on parle du dihydrogène ? Non, ça explose, ça, c'est dangereux, c'est un sujet glissant, donc on va pas en parler. Et c'est ce qui ça permettrait d'expliquer pourquoi on parle pas du dihydrogène dans le débat public. Et la troisième excuse, ce serait la théorie de la conspiration, la théorie du complot, qui revient à dire que l'État français est une oligarchie et dirigée par des gens mauvais qui ont tout intérêt à ce que la guerre continue parce qu'on vend des armes et parce que du coup on a du pétrole gratos. Et voilà. Moi, je pense que c'est un mélange des trois. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas une vérité absolue. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis allé un peu vite, j'ai quelques trucs que je vous ai pas dit. Alors, attends, je peux répondre maintenant. Ouais. Alors. Ton schéma là, chimique, donc on arrive à faire ce dihydrogène et en explosion ça devient de l'eau, j'ai pas compris. Des fois il faut s'y reprendre plusieurs fois pour comprendre. Non, il n'y a pas de problème. Alors, avec cette réaction, du coup, on produit du dihydrogène et du dioxyde de carbone. Donc, comme je l'ai dit, le dioxyde de carbone, premièrement, c'est un gaz qui n'est pas polluant, parce que c'est un gaz qui est tellement abondant naturellement qu'il n'est pas considéré comme gaz polluant. Et deuxièmement, avec cette méthode, on en produit trois fois moins que si on continue à brûler du pétrole. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de technique parfaite, tu vois, il n'y a pas de trucs qui vont vraiment rien rejeter. Mais avec un truc de CO2 pour 3 litres, pour l'équivalent de 3 litres de pétrole, ça va, ça reste rentable. Après, quand on brûle le dihydrogène, comme je l'ai dit, ça donne de l'eau. Du coup, non, c'est pas, au niveau des rejets, c'est pas flippant. Donc là, avec ce genre de technologie, on pourrait faire une voiture. Dans laquelle on remplit le réservoir d'acide formique, et dans la voiture il y a un petit bout de ruthénium, un petit morceau de métal qui permet de faire le catalyseur et qui permet de faire la réaction, et du coup la voiture pourrait marcher juste comme ça, et on produirait le dihydrogène et on le consommerait au fur et à mesure, comme ça il n'y aurait pas de risque d'explosion. Il y aurait juste besoin de ce bout de ferraille là. Non, les autres gens n'entendent pas. Alors ils me demandent s'il y a juste besoin de ce bout de ferraille. Oui, il y a juste besoin de ce bout de ferraille. Cette réaction marche aussi avec un autre métal qui s'appelle l'osmium, mais qui est beaucoup plus cher. Et à l'heure où je vous parle, il y a des scientifiques qui réfléchissent à réussir cette réaction avec un catalyseur à base de fer. Et là, ce sera la folie. Et là, ce sera énergie pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est avec ce genre de technologies qui sont issues de ce qu'on appelle la chimie verte, qu'on peut arriver à une technologie qui est propre, qui est éco-responsable, et qui est aussi accessible à tous. Parce qu'au final, avec cette réaction-là, un petit village africain qui arrive à se trouver un bout de ruthénium, ils sont indépendants énergétiquement s'ils ont une fourmilière et un bout de ruthénium. Tu vois, ça peut vraiment faire avancer l'humanité, mais c'est ralenti, c'est bloqué par des histoires de brevets, par des histoires de monopoles, et parce que la guerre, ça rapporte de l'argent. Et du coup, c'est pour ça que je m'adresse à vous pour vous dire, arrêtez la guerre, arrêtez les attentats, on n'a pas besoin de pétrole. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci. Vous êtes trois, mais ça me fait plaisir quand même. Ouais, moi j'ai des questions. Bah, déjà, merci pour ton exposé. Effectivement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, ce qui me... Enfin, la première question, c'est effectivement pourquoi on n'en parle pas ? pourquoi il y a des gens qui s'appellent, qu'on appelle des écologistes, on va dire ça comme ça, qui n'en parlent pas. Et clairement aujourd'hui, on a, par exemple, je vais prendre l'exemple du Brésil en fait, qui vend son biocarburant à tout va et Lula. Alors on en pense ce que l'on veut de Lula, mais en tout cas qui s'est mis en VRP du biocarburant et en fait qui est en train de niquer les terres au Brésil. Et du coup, ça engendre des l'eau n'est pas bonne. Ça a des conséquences sur la santé du peuple brésilien. Et ça, peu de personnes en parlent. On en a un petit peu parlé pendant les Jeux Olympiques parce qu'on avait conseillé aux athlètes qui étaient dans l'eau de ne pas boire l'eau, tout simplement, pour éviter d'avoir des virus. Et donc, le biocarburant, on voit que finalement, c'est pas si bien que ça. Donc moi je suis surpris, et puis bien évidemment tu n'as pas dit le mot, mais il était un peu derrière, c'est aussi le capital. Quand on voit des entreprises comme Total par exemple en France, qui n'ont je pense aucun intérêt à développer ce type d'énergie et qui sont plutôt dans des réflexions de comment on peut forer encore plus profondément dans la terre pour trouver du pétrole. Et c'est vrai que tu l'as dit, les intérêts financiers, et puis derrière, oui, les guerres, etc., etc. Mais c'est aussi un intérêt, à mon avis, financier. Mais est-ce que toi, tu as des... Ma question, c'est ça, est-ce que des gens, entre guillemets, qui se disent écolo, ou qui parlent, en tout cas, au nom de l'écologie, connaissent ce sujet-là et en font la promotion ? Bien, parmi les gens à qui... parce que ça fait quelques mois déjà que j'ai ce discours, parmi les gens à qui je parle... Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler du hydrogène. Jamais. C'est totalement absent de l'espace public. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, c'est à nous les gens de le dire directement à la population, de ne pas passer par les médias traditionnels parce qu'ils font passer les infos qu'ils veulent. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve là à vous faire des cours d'éducation populaire. Et ce qui serait bien, serait vraiment que ce soit le peuple qui mettent la pression sur le gouvernement, qui force à aborder le sujet. Parce que c'est un sujet grave. La transition énergétique... Oui, il faut que ça se passe à la télé, sinon ça n'a qu'un impact. C'est ça le problème. Mais c'est un sujet grave. La transition énergétique, de toute façon, elle va se faire à un moment ou à un autre. Et pourtant, personne n'en parle. Personne n'en parle. Voilà, quand on entend parler de transition énergétique, ils veulent revenir aux centrales à pétrole, aux centrales à charbon. C'est encore pire... Même tu parlais des biocarburants, tu disais ça a des impacts, mais ça a des impacts aussi sur le fait que c'est de la betterave à la base, c'est des trucs que les gens ils peuvent manger, c'est le colza, ouais. Enfin bref, t'as une question ? Vas-y. Ouais, et du coup j'en profite aussi pour rappeler si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on passe le micro à votre tour. Moi du coup j'avais, il y a le ruthénium, c'est ça ? J'ai bien retenu. Il y a toujours. Ça me pose problème. Bon, c'est très bien qu'il y ait d'autres solutions et tout, mais ça me pose toujours problème. C'est qu'on a toujours besoin d'une ressource. Et donc, est-ce que cette ressource-là ne pourrait pas être encore, une fois, la cause d'autres guerres, simplement ? Parce que tant qu'il y a toujours une ressource en jeu quelque part, est-ce que ça ne sera toujours pas le même problème, quoi ? Si on change de ressource, en fait, c'est ça ma question. C'est une excellente question. Et comme je l'ai dit, le ruthénium, il a un tonnage de 12 tonnes par an, ce qui n'est pas énorme. Là, actuellement, il est extrait dans les mines en Amérique du Sud, en Afrique, dans les Philippines, dans des conditions assez dégueulasses. Je vous conseille le documentaire L'œil de Darwin, pour ceux qui ne connaissent pas. Par contre, il y a un truc que je ne vous ai pas dit sur le ruthénium, c'est qu'on l'utilise déjà dans notre industrie. C'est-à-dire qu'il est dans les pots catalytiques des voitures. Les catalyseurs dans les pots catalytiques des voitures, c'est des catalyseurs à base de ruthénium. Donc plutôt que l'utiliser pour faire du dihydrogène, on l'utilise pour continuer à... Mais là, j'ai pas vraiment répondu à la question. Est-ce qu'il y aura pas une autre guerre pour le ruthénium plus tard ? C'est possible. Mais de toute façon, même s'il y a une guerre pour le ruthénium plus tard, nous, on produira quand même 3 fois moins de CO2. Donc la situation sera un peu meilleure. Après, comme je le disais, il y a des gens qui travaillent pour faire un catalyseur à base de fer. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Il y a une autre solution. Attends, excuse-moi. Il y a une autre solution pour faire le dihydrogène. Comme je l'ai dit, c'est les cellules photovoltaïques. C'est des petites boîtes dans lesquelles il y a deux polymères. On met de l'eau. Et tu as un polymère qui permet un plastique. Hein, quand je dis polymère, ça veut dire plastique. Il y a un plastique qui permet d'attirer les rayons du soleil, les capter. Et il y a un autre plastique qui permet d'absorber le dihydrogène. Donc on peut aussi produire le dihydrogène directement à partir de l'eau, et là à ce moment-là il n'y a plus de ressources nécessaires. Mais le problème avec cette méthode, c'est que du coup le dihydrogène il faut le stocker, et c'est dangereux parce que dès qu'il rentre en contact avec l'air, il explose. Après il y a aussi des moyens de stocker l'hydrogène de manière sûre, ce qui s'appelle les galets à hydrogène. C'est des galets qui sont à base de magnésium, et en fait ils agissent comme des éponges. Ils ont des trous à l'intérieur, on les vide et on remplit de dihydrogène. Et là c'est sûr que ça explose pas. J'ai vu la vidéo, le mec il est avec un fer à souder, avec un chalumeau sur la pastille pendant un quart d'heure et ça explose pas. Donc il y a des moyens qui existent et qui sont pas utilisés. Non mais du coup c'était juste pour aller au fond de mon propos, c'était juste que du coup, enfin, moi j'aime bien embêter un petit peu, mais c'est juste que ça cassait pas forcément le cercle de haine que tu disais au début. Enfin, je suis pas si certain que ça pouvait casser ce cercle là. Par contre après que c'est certainement une solution plus écologique, etc., que ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais de là à casser le cercle de haine général, j'ai de plus gros doutes, mais bon voilà, après voilà. Disons que ça casse le cercle en ce qui nous concerne. Ça casse le cercle pour les attentats en France, c'est parce qu'il y a la guerre pour le pétrole. Donc si on arrête d'utiliser du pétrole, il y aura peut-être moins de gens désespérés, moins de gens poussés vers l'extrémisme et moins de possibilités d'attentats. Tu vois, c'est comme ça que je voyais les choses. Après, non, ça va pas régler la guerre du point de vue mondial. Hein. Il y a George Bush il y a Trump qui est passé. Là, ça va partir en couille. Et justement, je me disais que la France pourrait lancer un nouvel âge d'or, pourrait faire partie des premiers à arrêter cette guerre inutile et à montrer l'exemple. Merci. Et à montrer l'exemple à l'international, justement, en étant les premiers à arrêter le pétrole, parce qu'on sait, on a les moyens techniques pour le faire, on a la technologie pour le faire, il manque juste la bonne volonté. Le truc c'est qu'on est limité, oui, en dihydrogène, mais en ruthénium. Mais il y a d'autres solutions, comme je disais, il y a les piles à combustion, enfin il y a les cellules photovoltaïques, etc. Et du coup, même si ça suffit pas, même si ça couvre que 10% de notre, c'est déjà ça de gagner, tu vois. Au niveau de est-ce qu'on peut vraiment transformer toutes les voitures en voitures à hydrogène, il faut essayer de toute façon et continuer la recherche, toi. Continuer la recherche, le seul moyen c'est continuer la recherche pour trouver des méthodes alternatives, parce que là de toute façon on fonce droit dans le mur, on est au courant. Une question: où est-ce que tu trouves du ruthénium dans le monde? Dans les mines, en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Philippines. C'est un sous-produit de l'extraction du palladium. En fait, le ruthénium, c'est un minerai qui est métallique, qui est généralement associé aux mines d'argent. Donc c'est là qu'on sort le palladium, le ruthénium, le platine, le strontium aussi. Enfin, donc c'est les métaux rares. Accessoirement, sur le ruthénium, il y a un petit problème. C'est qu'actuellement, en termes de pollution, c'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais on ne sait pas le recycler. Et justement, le but, ce serait pas de le recycler, le but, ce serait de l'utiliser. Le but, ce serait... et on trouve aussi du ruthénium dans les... en fait, il y en a qui se forment naturellement dans les centrales nucléaires. C'est comme un sous-produit. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, ça c'est une pollution. Mais si on l'utilise pour produire de l'énergie, on n'a plus besoin de le recycler. Du coup, on l'utilise directement. Et le mode d'extraction dans ces pays-là, déjà, qui s'en occupe et qu'est-ce qu'ils font? Parce que bon, l'utilisation des terres rares aujourd'hui, on sait que ça fout la merde. Enfin, qu'ils savent pas les séparer, en fait, il faut polluer énormément, non? Alors le truc, c'est que en effet, ce qui se passe dans les mines, c'est assez dégoûtant. En effet, le moyen de récupérer le ruthénium est polluant. Mais le fait est que ça existe déjà. Il y a déjà une production de ruthénium mondiale et on l'utilise déjà dans notre industrie. Comme je le disais, les pots catalytiques des voitures, c'est des catalyseurs à base de ruthénium. Donc autant l'utiliser à bon escient plutôt que de continuer à cramer du pétrole. On peut utiliser le ruthénium pour produire du dihydrogène. Ça irait beaucoup plus vite, enfin, ça serait beaucoup plus puissant et propre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et du coup, parce que le pétrole, c'est pas que pour les voitures, on fait du plastique et on a du plastique partout. On fait comment du plastique? Excellente question. Eh ben, le plastique, il faut arrêter. On a beaucoup trop de plastique sur Terre. Il y a un continent de plastique qui est en train de se former dans l'océan Indien. Plastic Beach, c'est pas une légende urbaine, hein, ça existe, il faut le recycler tout ça. Plutôt, ouais voilà. Et pareil, je vous parlais un peu plus tôt de la chimie verte. Il y a pas mal de biomatériaux maintenant qui sont étudiés, qui pourraient justement remplacer le plastique de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus éco-responsable. Mais elles sont pas utilisées parce que le pétrole, ça nous permet de faire du plastique et du coup on continue la boucle, quoi. Pourquoi les pays qui ont du ruthénium, ils l'utilisent pas massivement, en fait, si c'est vraiment si économe que ça? Parce que pour utiliser le ruthénium dans cette réaction, il faut le traiter d'une certaine façon pour qu'il joue son rôle de catalyseur. Pour que la réaction marche, il faut traiter le ruthénium d'une certaine façon. Et la façon de traiter le ruthénium, il y a un brevet dessus, c'est un secret, c'est verrouillé. Et personne n'a accès à ce brevet parce qu'il a été racheté par Total, Exxon Mobil, enfin peu importe quel grand groupe l'a racheté. Il y a un veto dessus, la technologie est bloquée. Moi j'appelle ça l'obscurantisme économique. Avant il y avait un obscurantisme religieux, maintenant c'est pour des raisons monétaires qu'on ralentit le progrès. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? En fait, ça répond à ma question, mais en même temps, il y a une dimension un peu floutée. Parce que, est-ce que c'est Total? Qui d'abord a acheté ce brevet? Et quand est-ce qu'il va tomber dans le domaine public? Est-ce qu'il y a des précisions là-dessus? Parce que ça paraît tellement énorme. Et ben, le truc, c'est que ce genre de brevet, t'es jamais au courant de qui l'a acheté au final. Et s'ils veulent jamais que ce soit rendu public, ce sera jamais rendu public. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un brevet soit... quand on achète un brevet, on donne de l'argent et l'idée est protégée pendant un certain nombre de temps. Et ils ont juste à attendre la fin du temps et repayer pour racheter le brevet pour 50 ans de plus et ça continue. Donc en réalité, on peut vraiment bloquer une technologie à 100% si on a assez de thunes pour ça, c'est pas un problème. Et les grands groupes obscurs dont je te parlais là, eux ils ont les moyens, tu vois, justement parce qu'ils tirent leur argent de la guerre, ils tirent leur argent du pétrole. Je t'écoute. Et là je dis ça, c'est pas du conspirationnisme, hein, c'est la réalité. Hein, c'est... Pour en rajouter une petite couche, pour le ruthénium, actuellement il n'y a que 3-4 grands pays qui sont capables de l'extraquer, qui disposent de ressources en ruthénium, de ressources minières, et qui sont capables de l'exploiter. Les États-Unis, le Canada, la Chine et le URSS, enfin la Russie. Et autrement, toutes les autres grandes sources de ruthénium sont dans des pays africains ou sud-américains, principalement africains actuellement, et ils n'ont aucun moyen déjà de l'extraire eux-mêmes, de le raffiner, en plus de l'exploiter. Merci, t'es un pro. T'es chimiste ou comment ça se passe? Hein? Et t'avais déjà entendu parler de cette réaction? Donc, ça fait plaisir parce que c'est assez rare que je croise des personnes qui sont au courant, des personnes qui savent que cette réaction existe et que c'est caché et que personne n'en parle, c'est pas pour rien, il y a des raisons derrière. Je t'écoute. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des mouvements politiques, écologiques, des partis qui vraiment sont qui agissent pour que justement que le grand public soit au courant de cette énormité, quoi? Eh bien justement, c'était le débat, ça faisait partie de mon speech de tout à l'heure, mais t'es arrivé un peu en retard. Donc non, absolument non, il y a le dihydrogène est totalement absent du débat politique, absent du débat public, alors que ça fait partie des solutions, qu'il faut en parler. De toute façon, la transition énergétique, comme je l'ai dit, ça va arriver, donc autant commencer à y réfléchir d'abord. Et les trois raisons pour lesquelles on parlerait pas du dihydrogène dans le débat politique, pour moi, ce serait soit la bêtise, soit la lâcheté, soit la théorie de la conspiration. C'est-à-dire que... à entretenir une fourmilière, ça coûte pas grand-chose. Donc on peut produire de l'acide formique autant qu'on veut, c'est pas un problème. Et justement, il y a la COP 22 là qui va arriver au Maroc. Est-ce que c'est pas un moyen de faire entendre tout ça? Personnellement, j'ai pas la foi. Pour la COP 21, moi j'étais ici. Pour la COP 21, il y avait des CRS partout. J'ai fait mon speech. D'ailleurs, je suis passé au petit journal ce jour-là. J'étais assez fier de moi. Si ça vient pas des gens, en fait, ça viendra pas du haut. C'est ce genre de choses. Et il faut que ce soit au peuple, justement, de l'imposer dans le débat. Parce que tant qu'il y a des intérêts économiques derrière, tant qu'ils ont intérêt à ce que la technologie soit bloquée, ils vont mettre leur droit de veto. Et c'est pour ça qu'on n'entend pas parler dans les médias. Donc avec la COP 22, je vois pas trop. Ils vont te faire une promesse. Ouais, on va augmenter de pas plus de 2 degrés, promis. Et au bout de 6 mois, ils vont déjà chier sur leur promesse. Enfin, j'attends pas la COP 22 justement. Il faut, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est. Alors, juste pour préciser, quand je parlais de la COP 22, c'est pas les, on va dire les grands de ce monde. Moi, que je parlais, c'est plutôt ceux qui vont lutter autour de la COP 22 et toutes les associations, parce que finalement, dans ces associations, y a des gens. Et quelque part, eux, ça peut être un vecteur de faire connaître. Alors après, je suis pas pro écolo ou contre écolo, etc. Mais bon, je me doute que voilà, il y a des personnes qui doivent avoir un minimum de conscience dans ces mouvements-là. Et je sais qu'ils arrivent à se faire entendre. Alors après, est-ce qu'ils ont un poids, est-ce qu'ils ont pas de poids, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, ils arrivent à se faire entendre pendant ce genre d'événement. Et donc, je pense que ça peut être aussi un moyen, mais plus de ce côté-là, hein, plus de la contestation que des autres là qui effectivement vont faire du grand blablabla pour pas faire grand-chose derrière. Donc d'abord pour répondre à ta question, enfin c'est pas vraiment une question en fait, c'est est-ce que ça va se bouger pour la COP 22? Moi je l'espère et je pense qu'il faut pas attendre que les gens se bougent à notre place. Et c'est à nous d'essayer de faire avancer les choses petit à petit, et il faut en parler. Faut en parler entre nous, faut en parler aux gens. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est j'aimerais que vous me croyiez pas sur parole. En fait, le plus important, ce serait que vous vérifiez par vous-même pour vous convaincre. Parce que moi je vous dis ça, c'est sûr, c'est de la science, j'ai fait mes recherches, c'est carré, y a pas de problème. Mais pour être sûr, pour pouvoir vous convaincre et pour pouvoir en parler aux gens autour de vous, le mieux, ce serait que vous fassiez vos propres recherches. Donc le monsieur ici m'a demandé s'il y avait un site internet ou quelque chose pour se documenter ou pour s'intéresser. Moi j'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle On n'a pas besoin de pétrole justement. En lien de cette vidéo, il y a une pétition qui a pas beaucoup de succès pour l'instant, mais je compte sur vous pour y participer. Sur YouTube, ouais. Ça s'appelle On n'a pas besoin de pétrole. Et si vous voulez, là j'ai des stickers. Est-ce que vous avez des questions? Non, je veux juste un sticker. Toi, tu peux en donner. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je recommence mon speech. Pas de questions. Tiens. Et est-ce que tu sais qui a découvert justement la formule? Je sais que c'est un laboratoire finlandais de chimie des surfaces, mais le nom précisément du scientifique, aucune idée. Il n'y a pas de problème. Merci de ton soutien. Donc voilà, pour résumer mon intervention, en 3 phrases, on n'a pas besoin de pétrole, on peut arrêter la guerre, on peut arrêter les attentats. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Est-ce que tu penses que c'est possible que tout le monde aujourd'hui, sans baisser notre utilisation des véhicules, est-ce qu'on peut tous rouler avec un moteur comme ça, sans qu'il y ait de galère? Je pense qu'il y aura des années de transition. C'est justement ça, la transition énergétique. Mais je pense qu'il faut la commencer au plus tôt possible, puisque plus on attend, plus on crame du pétrole. Et pour rouler tous avec ce genre de technologie, il faudrait plus de ruthénium. Et peut-être qu'on va arriver à un stade où il n'y aura pas assez de ruthénium pour tout le monde. Mais à ce moment-là, en continuant la recherche, on peut trouver d'autres catalyseurs qui auront le même effet, la même capacité de produire du d'hydrogène. Je pense que, en fait, ça dépend de la bonne volonté. S'il y a de la bonne volonté, s'il y a de l'argent qui est investi dans la recherche, oui, on pourrait tous utiliser le ruthénium dans nos voitures. Pas demain, pas après-demain, peut-être dans 10 ans, mais peut-être qu'on pourrait arrêter la guerre et en attendant acheter du pétrole aux Canadiens ou aux Russes. Enfin, il y a d'autres manières que de faire la guerre pour obtenir de l'énergie. C'est important de le souligner aussi. D'autres questions ? Il est quelle heure là ? Moins 20 ? Eh, magnifique ! Non, en fait, j'entends que tu parles beaucoup de guerre, mais je pense, pour nuancer peut-être le propos, la guerre, c'est pas uniquement le pétrole, mais c'est aussi des questions de terres agricoles, de contrôle, on va dire, des marchés économiques, etc. Donc effectivement, moi, je pense que si on mettait en application ce que tu proposes, ça réduirait les risques, mais je pense pas que ça serait pour autant la fin des guerres. Voilà. Bah, en l'occurrence, pour la guerre en Syrie, pour la guerre en Libye. C'était le pétrole. Pour la guerre en Syrie, pour la guerre en Irak, c'était le pétrole. Jusque-là, il y a une guerre qui s'est déclarée parce qu'il y a un dirigeant qui a voulu donner le pétrole gratuitement à son peuple. Ça n'a pas plu aux Américains, ça n'a pas plu à l'Union Européenne. Et là, c'est la guerre. Donc, ça ne va pas arrêter la guerre. L'humanité trouvera d'autres excuses pour faire la guerre. C'est pas un problème, ça. Des raisons de faire la guerre, il suffit de chercher un petit peu, on gratte et on trouve. Mais c'est pas parce qu'il y a la guerre que nous il faut qu'on fasse rien. C'est pas en l'occurrence, c'est une guerre qui est injustifiée et injustifiable qui est devenue caduque parce qu'on n'a plus besoin de pétrole. Voilà. Arrêtez la guerre, arrêtez les attentats, on n'a pas besoin de pétrole. J'aime bien dire ça. Bon, l'intervenant suivant. Vas-y, pose ta question. J'avais déjà écouté une autre fois ton intervention. Mais... est-ce que tu crois que même si c'est pas pour le pétrole du coup qu'il y a des guerres, il y en aura même pour d'autres ressources rares. Et je pense les choses qui permettent à faire les téléphones portables, par exemple, ces choses-là. Est-ce qu'il va pas y avoir du coup d'autres enjeux qui vont rester en fait sur tout ce qui est ressources rares? Ça rejoint la question de tout à l'heure sur est-ce qu'il y aura du ruthénium pour tout le monde, est-ce qu'on va pas se retrouver avec une autre guerre sur les bras. Et moi je suis désolé, je suis pas vraiment un idéaliste et je pense que si on arrête la guerre demain, il faut se poser la question de qui les Américains vont attaquer après. Parce que tout le continent américain, tout le pays américain, il est étudié pour faire marcher l'armée. Et donc ils ont besoin d'être en guerre pour que leur pays aille bien. Et il y a des chances que les pays qui sortent du pétrodollar, qui sortent de toute cette économie, il y a des chances que ce soit les pays qui soient visés justement par les Américains. Donc on n'a pas besoin de pétrole, arrêtez la guerre, faites la guerre aux Américains. Je vais me trouver dans la merde là. Non, faites pas la guerre aux Américains, c'est beaucoup trop dangereux. Ouais, tu me tends une perche en parlant des États-Unis avec ce qui s'est passé ce week-end. Oui, déjà. Donc effectivement, les Américains ont élu démocratiquement un président qui s'appelle Monsieur Trump. Et quand on voit un petit peu les noms là qui sont en train de sortir de son futur gouvernement, ça fait un peu flipper. Et justement, je pense qu'on va pas du tout vers ce que tu es en train de dire avec ce gouvernement. Alors après, on va pas anticiper, hein, puisque les noms sont pas encore sortis officiellement, mais en tout cas, c'est un peu la famille Adams là qui est en train de se créer. C'est un peu improbable et très très flippant. On en rigole, mais ça fait vraiment très peur. Et c'est quand même. Alors je sais pas si c'est vraiment la première puissance maintenant les États-Unis. Si je sais pas où on est, la Chine. Enfin. Peu importe, alors c'est toujours la première, on me souffle. Mais si la première puissance va avec des climato-sceptiques, par exemple dans son gouvernement, c'est compliqué. Alors bon, les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils étaient un petit peu... qu'ils ratifiaient pas les accords, etc., etc. Mais là, il y avait eu un espèce de petit changement avec Obama, même si c'est pas un truc extraordinaire. Mais voilà, c'est moi, ça me fait penser à ça du coup. Donc ça me, je suis en train de me dire encore une fois, le chemin va être long. Ouais, c'est pas vraiment une question, mais le chemin va être long. Mais on a quand même du poids en tant que peuple pour imposer le débat, parce que là, il est totalement absent. Justement, c'est comme tu le disais, c'est des climato-sceptiques qui sont au pouvoir, et ils ont tout intérêt à ce qu'on reste dans l'ignorance pour justement continuer à faire des affaires, continuer à faire de la maille. C'est ça. Hein, Ah, une question, super. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur l'organisation justement des brevets ? Qui gère les brevets au niveau, est-ce que c'est l'OMC ? Comment ça se passe cette, voilà. Alors, l'organisme qui gère les brevets, c'est l'INPI. Après, je peux pas vraiment dire comment ça marche. Je sais que quand tu payes un brevet, c'est pour un certain nombre d'années. Et que personne ne peut utiliser cette technologie tant que le brevet, la période n'est pas finie. Et qu'une fois que le certain nombre d'années sont passées, on rachète le brevet et du coup la technologie reste bloquée. Mais je ne peux pas te désigner de personne en particulier. Attends, il avait... Ouais, tout bêtement, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des prototypes en fait de ces moteurs-là ? Pour des voitures, hein, bien sûr. Bien pas à ma connaissance. Le truc, c'est que si vous faites ça en amateur, il y a des chances que ça vous pète à la gueule. Donc c'est très dangereux, faites pas ça chez vous, demandez à votre gouvernement de le faire. Il y a pas de raison que ça marche pas. C'est en fait ce qui font Tesla, c'est des voitures avec des piles à combustible. C'est des voitures électriques, et justement la pile à combustible, c'est du hydrogène qu'elle utilise pour produire de l'électricité. Donc c'est totalement compatible avec ce qui se fait maintenant avec tous les trucs de Nelson Musk là. Du coup, Pierre, tiens, je vais laisser la parole à Pierre, il n'a pas encore. Oui, je veux dire que la pile à combustible marche avec de l'hydrogène plus de l'oxygène. Mélange explosif. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'en servir. C'est un mélange explosif. Et le meilleur moyen de s'en servir en toute sécurité, c'est de consommer le dihydrogène dès qu'il est formé. Le risque vient du fait que, en fait, le risque vient du fait qu'on peut pas, il faut pas se balader avec un réservoir d'hydrogène. Sinon, oui, là, dès que le réservoir a une fuite, oui, ça explose, il y a des morts. Mais si on consomme le dihydrogène dès qu'il est formé, il y a aucun risque. Même si ça explose, ça va exploser dans une petite quantité. Donc c'est beaucoup plus limité. Et c'est pour ça le fait de garder l'hydrogène sous forme d'acide formique et de le consommer au fur et à mesure. Là, il y a beaucoup moins de risques. Du coup, c'était un peu, à part, c'était, comme tu as dit tout à l'heure, tu étais passé à la télé, c'était quand tu étais ici, sur la place de la République. Ouais. Et du coup, tu parlais de ce sujet. Et du coup, est-ce que, quel ressenti tu as eu après, par rapport à comment ils ont traité ton propos, etc. quoi. Mais à mon avis, comme c'est le petit journal, bon. Bah ouais, comme je l'ai dit, c'était le petit journal, donc en fait on me voit 2 secondes à l'écran, je suis fier de moi, mais au niveau des retombées, au niveau des retours, j'ai eu zéro. Zéro, zéro, zéro, zéro. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que on peut si vous en parlez à des gens d'EDF, ils vous diront « Ouais, mais la transition énergétique, nous on travaille dessus, ça avance, d'ici 15 ans il y aura du hydrogène partout. » Mais le problème c'est le monopole. Eux, ce qu'ils ont intérêt, c'est de continuer à nous vendre de l'énergie. Donc en fait, ils vont produire le dihydrogène et ils vont nous le vendre sous forme de réacteur, sous forme de... on va aller à la pompe à essence et on va remplir notre réservoir de dihydrogène. Et là, c'est dangereux. Et justement, on va vers ça. On va vers une utilisation dangereuse du dihydrogène, alors qu'il y a des moyens qui sont plus simples, qui ne seront pas utilisés, parce que justement, avec ce moyen-là, n'importe qui pourrait produire sa propre énergie. Et on se rapproche plus du monde dont Nikola Tesla avait rêvé, où l'énergie ce serait pas une denrée, mais une ressource, une matière première à utiliser, et qui serait accessible à tous et pour tout, quelle que soit votre nationalité ou votre niveau de vie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Est-ce que l'hydrogène est fabriqué par les fourmis ? Vous dites que ça vient de l'acide formique. Formique. Alors, l'hydrogène, il y a deux manières de le former. il y a premièrement les cellules photovoltaïques qui permettent de transformer de l'eau en hydrogène grâce à la puissance du soleil. Et deuxièmement, cette réaction chimique qui permet de produire du hydrogène à partir de l'acide formique, qui est un liquide qui est sécrété par les fourmis et qu'on peut retrouver aussi sur les orties. Et en fait, il faut mettre cet acide formique en présence de ruthénium. C'est un métal de la même colonne que le fer. Et il faut chauffer à 80 degrés Celsius et on obtient la formation de dihydrogène et de dioxyde de carbone. Donc oui, on peut tout à fait faire du dihydrogène avec de l'acide formique. Et l'acide formique, c'est une ressource qui est renouvelable, éco-responsable et qui entretenir une fourmilière, ça coûte pas très cher. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'ai bossé sur les piles à combustible en 1967, 2 ans. Et les Américains ont utilisé la pile à combustible pour aller sur la Lune. Ils ont failli ne jamais revenir. Le machin est tombé en panne. Ils ont eu un mal fou à se dépanner en plein vol. Ça a duré 4 jours pour les sortir de la merde. Alors moi, je suis pas anti, je suis anti rien du tout. Mais je crois pas à ce que vous racontez. 1967, ça fait donc 40 ans. Je pense que la science a avancé depuis. Maintenant, les technologies nous permettent. Maintenant, on est arrivé à un stade où on peut utiliser le dihydrogène de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus safe qu'avant. Il ne faut pas rester bloqué sur les échecs du passé. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Je vous invite à faire vos propres recherches. Et je suis sûr que vous en arriverez à la même conclusion que moi. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de pétrole, on peut arrêter la guerre, on peut arrêter les attentats. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, excusez-moi, c'est pas parce que Nuit Debout est un mouvement légèrement utopique sur les bords et même ailleurs que moi je peux croire à votre histoire. C'est pas de l'utopie, ça, c'est un canular. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? C'est de la science, monsieur. C'est pas un canular, c'est de la science. C'est vérité, c'est vérifié. Il y a pas de... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la technologie, elle existe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la nature, elle existe. Et dans la nature, il y a des moyens de produire du dihydrogène. Après, je comprends pas vraiment quelle est la critique, là. C'est pas un canular, c'est pas une blague. Hein. Et vous pouvez, je vous invite d'ailleurs... tous, autant que vous êtes, à vous renseigner sur le dihydrogène, à aller sur la page Wikipédia de l'acide formique, celle du ruthénium. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez récupérer par vous-même. Et s'il y avait une bonne volonté du gouvernement, s'il y avait des équipes de scientifiques qui travaillaient dessus véritablement, enfin là il y a déjà des équipes, mais on n'en entend jamais parler. Et on pourrait arriver à des solutions, on pourrait arriver à justement changer de mode de consommation. Parce que là, ce qui compte vraiment, c'est vraiment arrêter d'utiliser les énergies fossiles qui, elles, sont pour le coup super polluantes. On sait qu'on fonce droit dans le mur si on continue. Et le problème, c'est qu'il n'y aura pas. On se dit, ouais, on va, quand il n'y aura plus de pétrole, on changera. Mais en fait, en réalité, il n'y aura pas plus de pétrole. Parce que là, il y a le permafrost qui a fondu en Russie. Ils ont trouvé des litres et des litres et des stocks de pétrole. Du coup, il est très probable que les Russes n'arrêteront jamais le pétrole. Et c'est à nous, en tant que pays développé, de montrer l'exemple. C'est à nous d'avancer dans le bon sens et en espérant que les autres pays nous suivent. Le photovoltaïque a remplacé un certain secteur de l'énergie, mais la pollution pour la production d'électricité, elle est loin d'être réglée. Le ruthénium, ça doit être une terre rare. La pile à combustible qui est sûre, c'est la pile au platine, catalyseur au platine. Le platine est rare, on ne peut pas s'en servir. Donc, est-ce que le ruthénium est une terre rare ? Eh bien, le ruthénium est une terre rare, en effet. Il a un tonnage de 12 tonnes par an, ce qui n'est pas énorme. Mais l'avantage, c'est qu'on a besoin d'un tout petit bout de ruthénium pour faire la réaction, parce que c'est un catalyseur. Donc avec juste un bout de ruthénium, comme il n'est pas consommé par la réaction, on peut faire des litres et des litres de dihydrogène. Pour en revenir au principe de la pile à combustible qui utilise du platine, on n'est pas obligé d'utiliser la pile à combustible pour récupérer de l'énergie à partir de l'hydrogène. On peut aussi faire un moteur à combustion qui mettrait de l'hydrogène et de l'oxygène, et ça explose et on récupère l'énergie de cette façon-là aussi. Déjà, entre le platine et le ruthénium, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en général, les gisements d'exploitation sont exactement les mêmes, puisque le ruthénium est en fait une extraction raffinée dans les mines d'argent, comme le platine. Et par rapport au platine, c'est que le ruthénium, c'est 7 à 8 fois plus efficace en tant que catalyseur. Donc le problème est le même. Après, ça dépend de catalyseur. Pourquoi ? Parce que quand on parle dans la pile à combustible, peut-être que le platine est plus efficace que le ruthénium. Mais là, pour cette réaction, on est obligé d'avoir du ruthénium. La réaction ne marcherait pas avec du platine. La réaction marche avec de l'osmium, mais c'est un métal qui est encore plus rare et encore plus cher. Et à l'heure où je vous parle, il y a des scientifiques qui travaillent pour faire un catalyseur à base de fer. Et à ce moment-là, il y aura plus de problèmes de ressources, plus de limitations réelles de la production. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Petite remarque quand même pour une limitation par rapport à la catalyseur à base de ruthénium, c'est que le ruthénium sert actuellement à plein d'autres choses, hein, en toute petite quantité, entre autres pour durcir des métaux pour fabriquer les moteurs d'avion, et il est extrêmement précieux déjà dans ce sens-là. Donc ça limitera sérieusement les possibilités d'exploitation pour en faire autre chose. D'un côté, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté... Autant le ruthénium coûte cher, autant on l'utilise déjà dans nos voitures. Parce que dans les pots catalytiques des voitures, c'est des catalyseurs à base de ruthénium. Donc en gros, on utilise du ruthénium non pas pour produire un carburant qui serait plus propre et plus puissant, le dihydrogène, mais on utilise le ruthénium pour continuer à cramer du pétrole. Parmi les terres rares qui sont envisagées pour l'électricité, il y a le lithium. On a découvert un gisement de lithium sous le lac Titicaca, et il y a des gens bien intentionnés qui commencent à se dire s'il ne faut pas creuser sous le lac. Ben, ce que deviendra le lac, on s'en fout. Enfin, là le genre, l'hydroélectrique, je vois dans les revendications, dont certaines sont appuyées par Nuit Debout, les microcentrales sur les fleuves tuent les fleuves. L'hydroélectricité pollue les rivières plus fortement que le nucléaire. Mais tout ça, c'est pas. Je peux vous le montrer. Ça. C'est pas écrit dans beaucoup de machins et de titres de textes et tout, écolo. Ok. Donc déjà, moi, je tiens à préciser que je fais pas partie de Nuit Debout, je vais pas défendre toutes les positions de Nuit Debout, je suis un intervenant extérieur. C'est d'ailleurs ça le principe d'éducation debout, c'est le fait de faire venir des gens de l'extérieur pour s'adresser aux gens. Et oui, il faut se méfier, vous parliez du lithium par exemple, mais le lithium ça sert à quoi ? Ça sert à faire des batteries. Et moi personnellement je suis totalement contre la technologie batterie. Parce que ça, c'est vraiment pas, pour le coup, c'est vraiment, vraiment pas éco-responsable et on en fout partout. Il y a déjà, d'ailleurs, il y a un moteur aussi soi-disant propre qui s'appelle le moteur HHO. Ça consiste à mettre une batterie dans la voiture, mettre un réservoir d'eau et faire l'électrolyse de l'eau pour produire l'hydrogène et après utiliser l'hydrogène pour faire avancer la voiture. Mais le problème, c'est qu'il faut, du coup, dans sa voiture, il faut une grosse batterie. Qui est polluante à la fabrication, qui est polluante au recyclage et qui a une durée de vie qui est assez faible parce qu'on est en retard sur la technologie batterie et on n'arrive pas à avancer là-dessus. Ouais. Ouais, il commence à pleuvoir, on va devoir installer notre bâche, mais on va continuer quand même. Moi j'ai une question du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est l'installation qu'on doit faire dans la voiture pour pouvoir fonctionner avec cette ressource, on va dire. Je vais te faire un schéma. Tu peux me attendre 2 secondes. Tiens, ça. Merci. Alors, je vous ai fait un schéma de voiture bien moche. Le principe, c'est simple. On a un réservoir d'acide formique. Il faut injecter de l'acide formique dans une chambre où il sera en présence du catalyseur. Dans cette chambre-là, il faut chauffer à 80 degrés Celsius. On aura la production de dihydrogène. Le dihydrogène, on l'envoie vers une pile à combustible. La pile à combustible produit de l'électricité et l'électricité va faire tourner les roues. C'est ça le principe. Après, on peut aussi enlever la pile à combustible et injecter le dihydrogène directement dans un moteur à explosion et faire tourner les roues de cette manière-là. Mais on a un meilleur rendement énergétique. On récupère plus d'énergie quand on utilise une pile à combustible que quand on fait un moteur à explosion. Du coup, au final, ce qui rentre dans la voiture, c'est seulement l'acide formique. Et ce qui va ressortir, c'est une molécule de CO2. Il faut aussi rentrer de l'oxygène pour produire la pile à combustible. On a besoin de hydrogène et d'oxygène. Et de l'eau. Plus H2O. Voilà. Donc ce qui rentre dans la voiture, c'est de l'acide formique. Ce qui en ressort, c'est de l'eau, du dihydrogène. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? De quelle façon ? Non, je voulais justement savoir, dans le réservoir, l'acide, vous la produisez comment ? Il doit falloir de l'énergie aussi. Pour produire l'acide formique, eh bien, c'est un liquide qui est sécrété naturellement par les fourmis. Donc oui, il va falloir apporter un peu d'énergie pour s'occuper de la fourmilière, mais ça va, ça coûte pas, c'est pas beaucoup, c'est pas très cher, c'est pas très chiant. Ça coûte pas beaucoup de ressources de s'occuper d'une fourmilière. Et en fait, il faut attaquer les fourmis avec des éponges et après presser les éponges pour récupérer l'acide formique. Il y a aussi de l'acide formique sur les orties, sur les poils urticants des orties. C'est de l'acide formique qui nous gratte. En France, il n'y en a pas des orties. Ici, ça pousse sur les tas d'ordures. Les orties, ça pousse sur les tas d'ordures. Des décharges, il y en a partout. Hein. Donc, d'ailleurs, oui, comme ça pousse sur les ordures, on pourrait récupérer les anciennes décharges pour produire de l'énergie. Ça, ce serait éco-responsable. Ça, ce serait bien. Oh, tu vas dans le 95? Oh là là. Sors de Paris, tu passes le périph et il y a de la nature, hein, c'est pas un problème ça. Enfin, il y a des décharges, c'est de la nature, c'est autre chose encore. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez une idée du nombre de fourmis qu'il faudrait pour remplir un moteur, pour faire une centaine de kilomètres ? Excellente question. Il va falloir des masses, il va falloir faire des fourmilières industrielles, n'en déplaise aux spécistes. Mais on peut, c'est juste une histoire de bonne volonté. Non, j'ai pas vraiment d'idée quant au volume d'acide formique que produit parce qu'il n'y a pas d'études qui ont vraiment été faites là-dessus. Après, il y a des espèces comme la Formica rufa, c'est fourmi des bois, qui est capable de balancer de l'acide formique à 15 cm d'elle. Donc elles produisent quand même, il y a une bonne production. Ça peut aller vite, quoi. C'est voilà. Et au pire, on peut aussi récupérer sur les orties. Donc, y a des sources qui sont renouvelables, qui sont éco-responsables et qui sont pas utilisées pour des raisons monétaires, pour des raisons de lobby. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Quand est-ce que ça finit tout ça ? Eh ben, il faut forcer le débat sur la crise énergétique, il faut le forcer aux politiques, parce que là, actuellement, on n'entend pas du tout parler dans les médias. Cette réaction, elle existe depuis au moins 3 ans. C'est le blackout total. Vous faites quoi dans la société ? Vous êtes étudiant ? Vous êtes chercheur ? Je vois pas en quoi c'est important, mais je suis chimiste. Je suis pas tombé là-dessus par hasard, c'est vrai. Moi, je demande toujours le curriculum vitae des gens, parce que c'est une source de connaissances pour savoir ce qu'ils ont dans la tête à l'instant T. C'est tout ce qui précède de l'instant T, c'est une relation au réel. Et donc, c'est pour ça, moi je suis pas flic, hein, enfin pas encore. Et donc, Mais ceci dit, je ne vous crois pas. Vous m'avez pas convaincu. Qui c'est qui veut le micro ? Tiens, demande-lui. Je crois qu'il a une question à poser au mec de Nuit Debout. Je vous ai pas convaincu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Faites vos recherches par vous-même et vous trouverez, vous convaincrez par vous-même. Peu importe qui parle. Peu importe, même si j'étais un ancien repris de justice, un tueur sanguinaire. L'idée est la même. C'est pas moi qui ai fait la science, c'est pas moi qui ai fait la nature. C'est moi, je suis juste messager quelque part. Donc que vous soyez convaincu ou pas, pour moi ça change. Enfin, c'est important pour moi. J'étais venu pour vous convaincre. Donc ça me fait chier un petit peu, mais je peux pas vous forcer à me croire. Hein, et c'est pour ça que je vous invite à faire vos propres recherches plutôt que juste critiquer sans en vous disant oulala, ce type là j'aime pas et donc je vais pas écouter ce qu'il dit. Mais là du coup vous basez sur un jugement personnel. Du coup moi c'est bon, j'ai fait mon message plusieurs fois. Est-ce que l'intervenant suivant est prêt ou est-ce qu'il se ramène déjà? Il sera pas là, donc... Ok. Et l'intervenant suivant, suite 16h? Voilà, il est pas là, mais c'est pas grave, on va faire la boîte. Non. Après, il y a quelqu'un normalement avant toi, à 16h. Et là, il est que 15h encore pour l'instant. Bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention. Bon, c'est toujours... on se rend compte qu'il y a moins de monde quand il fait froid, mais il y a quand même des gens qui passent et du coup qui posent des questions. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un dernier petit truc en conclusion ou... Ouais. Je vais répéter ma conclusion qui tient en trois lignes. Arrêtez la guerre, arrêtez les attentats, on n'a pas besoin de pétrole. Merci beaucoup. Donc du coup là on va monter la bâche et puis après on va passer à la boîte à questions.